T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planet Indie. Quelle chaleur, hein. Ça c'est vraiment le sujet d'actualité en ce moment. Il fait chaud et il fait re-chaud. Je sais plus ce qu'il faut faire, hein. Moi j'ai les ventilateurs qui tournent partout, il fait quand même presque 33 degrés dans le studio. Donc je vais garder toute mon énergie pour cette émission et je crois qu'après je vais me reposer pendant toute une semaine. Il faudra bien ça. Nous sommes ensemble donc pour 1h30 de musique indépendante, de musique alternative, en tout cas pour le meilleur de la musique indépendante et de la musique alternative, avec bien entendu comme chaque mois, eh bien, des nouveautés que vous n'avez probablement encore jamais entendues. Je vais peut-être vous citer le nom de Skittish, ça c'est une vraie nouveauté. Black Anis, on les a découverts le mois dernier, c'était un groupe chypriote. Et puis on ira voir en France chez Manon Tanguy, on y écoutera Marson Ramos. Et pour l'heure, je vous propose de commencer avec un des rois du blues. Je le dis à chaque fois, mais bon, ils étaient venus en concert au Blues Express il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. C'est le groupe King King avec un extrait de leur dernier album. On va écouter le morceau qui s'intitule Heed the Warning. Et puis après, bah, je parlais de nouveautés. C'est vrai que je ne l'ai pas cité. Il était tout en haut de la liste puisqu'il est en deuxième position. Ce sera Ben Bostick avec un extrait de son album Hellfire. Et on écoutera The Outsider. Restez bien ensemble. Restez bien avec nous. Nous sommes ensemble pendant 1h30 jusque... Alors, 18h30, si vous nous écoutez sur RGL, que ce soit en direct le samedi ou en rediffusion le dimanche qui suit. Et puis nous sommes ensemble jusque 21h30, si vous nous écoutez du côté d'Arlon sur ARLFM en rediffusion le vendredi suivant. Donc, pour l'occasion, nous, ce sera le vendredi 10 août. Allez, place à la musique. Et tout de suite, le groupe King King. We'll be right back. C'est le dernier morceau de l'album de Ben Bostick, Hellfire. On écoutait The Outsider, c'est la première fois eh bien, qu'on a l'occasion de l'entendre dans cette émission et probablement ce ne sera pas la dernière. Un autre groupe artiste qu'on entend pour la toute première fois, et lui il est potentiellement candidat pour une place de powerplay au cours d'une prochaine émission, puisque si vous nous êtes fidèles, vous savez que lors de chaque émission, eh bien, on découvre un album en powerplay, c'est une exclusivité, on découvre trois morceaux de l'album, et puis je vous parle un peu de l'artiste suivant les informations que j'ai pu trouver. Bon, c'est pas eux aujourd'hui, mais peut-être au cours d'une prochaine émission, ce sera eux qu'on découvrira dans ce cadre. Alors l'artiste s'appelle Son of the Velvet Rat. Leur album s'intitule The Late Show, c'est un album enregistré en public. Eh bien, on va écouter Friends with God, et puis après, ce sera un extrait du tout nouvel album de nos amis de Pink Dust. Ils sont très très productifs, ils viennent de sortir un nouvel album, on l'a déjà reçu. On va l'écouter avec, on les écoutera avec le morceau Come Back to Me. Pour l'heure donc, Son of the Velvet Rat. Et le morceau Friends with God, et pour ceux qui connaissent et qui découvrent, il y a du Leonard Cohen dans cette musique. Dans cette musique, à vous de bien écouter attentivement. Conjured up now, a road killing rat. Try to be happy, I do the best I can. Things get in my way every now and then. Friends with you, with you. Don't hear me complain, I got to nurse my voice. Oh, but I reclaim my time if I had a choice. Oh, don't you shut down your business before my bills are due. And I'll stand in line and I'll wait for your cue. God, oh, come on, give me a reason. God, oh, please, give me a clue. friends with you. This is Cliff of the Pink Dust, and our favorite show in Europe for finding the best new artists is Planet Indie with Pierre Girard. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est extrait de l'album Ming des Pink Dust. Je crois que c'est leur troisième album en 2 ans ou quelque chose comme ça. Non, parce que le premier, il datait déjà d'il y a un peu plus longtemps. Et puis, ils viennent d'en sortir pratiquement deux coups sur coup, le duo des Pink Dust, duo américain. Eh bien, pas de souci, on les retrouvera aussi au cours d'une prochaine émission. D'ici quelques minutes, on va découvrir notre album Powerplay du jour. Il nous emmènera du côté du Canada. Avant cela, eh bien, on va s'échauffer au Canada aussi, puisqu'on va écouter un groupe de rock progressif. Vous savez que c'est de la musique que j'aime bien, et eux, je les aime bien aussi. C'est le groupe de Michel Saint-Père, le groupe Mystery. On va les écouter avec le morceau Dare to Dream, et c'est aussi extrait de leur tout nouvel album qui vient de sortir. On l'a pratiquement en exclusivité pour vous. L'album s'appelle Lies and Butterflies. C'est donc le nouvel album de Mystery, et on les écoute avec ce morceau Dare to Dream, oser rêver. C'est parti. Non, c'est pas parti. Alors, Gizgizbaze, pourquoi il ne démarre pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye encore une fois ? Et puis sinon, on passera directement alors à notre album Powerplay. Le problème, c'est que j'ai que deux mains et je dois lancer le truc sur l'autre PC qui est bien loin et j'y ai pas fort accès. Alors, on va réessayer comme ça. Ça devrait aller mieux. Laissez-moi deux petites secondes. On remet tout à zéro et ça repart. Ah bah voilà, c'est parti. Il suffisait de ça, de mettre tout bien aligné et puis ça va tout seul. Allez, Mystery avec Dare to Dream, oser rêver. à mon avis l'un des meilleurs groupes progressistes indépendants, rock progressif indépendant à l'heure actuelle. Il s'agit du groupe canadien Mystery, un groupe qui est basé à Montréal, le groupe de Michel Saint-Père. On les écoutait donc avec cet extrait de leur tout nouvel album, Tout Beau Tout Chaud, qui vient de sortir. L'album s'appelle Lies and Butterflies. Et le morceau qu'on vient d'écouter, eh bien, nous invitait à rêver, Dare to Dream. Il est l'heure maintenant de passer à la découverte de notre album Powerplay. Je vous avais dit qu'on allait rester au Canada puisque on va découvrir le nouvel album de Mélanie Decker, une artiste donc canadienne mais qui a des antécédents néerlandaises avec, comme son nom l'indique, elle avait d'ailleurs fait un petit jeu de mots sur l'une de ses tournées en disant Mélanie Decker, Lekker, hey, donc l'air de dire Mélanie Decker, c'est du tout bon, n'est-ce pas? Alors, elle est basée à Deep Cove, elle réside à Deep Cove dans la province de Colombie-Britannique. Elle a commencé sa carrière, elle a fait de la musique pour elle-même et puis elle a commencé à chanter dans les country clubs de l'ouest du Canada. Tout ce qu'elle avait pour elle, eh bien, c'était un diplôme de musique dans sa main. Mais elle avait aussi sa voix et cette voix, eh bien, elle lui a fait rapidement gagner des fans et gagner des passages en radio, notamment donc au Canada. Et puis c'est comme ça qu'elle a commencé à faire des concerts à gauche et à droite, si bien qu'à l'heure actuelle, eh bien, elle est en tournée dans toute l'Amérique du Nord et en Europe assez fréquemment. Ses fans, eh bien, disent-elle que de l'écouter chanter, c'est comme goûter du chocolat délicieux, puisque eh bien, elle a des chansons qui explorent les hauts et les bas essentiellement des sentiments amoureux et puis qui donnent de l'énergie. On va donc écouter un premier extrait. Moi, j'ai du Larsen dans les oreilles. Je ne sais pas si vous l'entendez de l'autre côté du poste, mais en tout cas, c'est assez gênant. On va l'écouter donc avec un premier extrait de cet album Secret Spot. L'album tout nouveau donc, et j'essaie de retrouver le titre que je vous ai programmé, c'est Always Gonna Be. Voilà, c'est notre Powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, c'est Mélanie Decker avec son album Secret Spot. Powerplay. Powerplay. There's always gonna be somebody faster, smarter, prettier. Don't sweat it, baby. Do the best you can with what you've been given. That's what mama told me. So in this way is how I've been living. Ooh, ooh, ooh. Goodbye and the ugly. Have a shootout somewhere. You've been given. That's what mama told me. So in this way is how I've been living. Faster, smarter, prettier. Well, that won't stop me, no, no. I'll find a way with what I've been given. That's what mama told me. So in this way is how I've been living. Ooh, ooh, ooh. There's always gonna be somebody. what you've been given. That's what mama told me. So in this way is how I've been living. Mm-hmm. I've been living. Always gonna be. Keep on, keep on listening. Keep your... C'est pas du tout le même style que Mélanie Decker, hein. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'était le groupe Dissonance avec un morceau qui s'intitule Calculated. Cet extrait d'une compilation qui s'appelle Quintessence 2008-2018, compilation qui a été sortie et éditée par le label AF Music pour fêter, eh bien, les 10 ans de ce label qui se présente, eh bien, comme un des pionniers du dark wave gothique, voire post-punk independent. Et cette compilation qui reprend 30 morceaux pour célébrer les 10 ans du label, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site du label www.af-music.com. Elle est gratuite, il y en a pour tous les goûts, en tout cas pour ceux qui aiment ce genre de musique. On continue avec le groupe Silver Rocket. The worst is yet to come. Le pire est encore à venir. Et puis après, ce sera les Tomboys avec Don't Ask Me Why. We'll be right back. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Robert Bashinsky from Rigel. You're listening to Planet Indie, the leading European independent radio show. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. C'était les Tomboys avec Don't Ask Me Why. Avant de retourner sur notre album Powerplay, l'album de Melanie Decker, je vous propose d'aller mesurer la taille de sa jupe. Bah oui, c'est le titre de cette chanson de Manon Tanguy. La taille de sa jupe, aucun doute, la transition est facile. Et qu'avec la chaleur qui fait, eh bien, la taille de sa jupe, elle est assez courte. Manon Tanguy avec donc ce morceau, La taille de sa jupe. L'a abordé cette matinée. Pensais-tu qu'elle t'attendait pour oser t'imposer? Tu l'as bousculé, son humeur t'est-elle disposée pour la lui gâché. Tu l'as croisé à la tombée de la nuit. Pensais-tu que son corps t'appartenait? Pour oser le toucher, pour oser le toucher, pour oser le toucher. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes qui te font perdre la tête. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes. Si elle rétorque, tu lèves la main. Tes yeux en rage, elle baissera les siens. Si elle n'est pas sage et qu'elle te dégage. Tu insultes, menaces son courage et son audace. Tu crayonnes son visage de honte et de rage. Dominer cette soumise, prouver ton emprise. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes qui te font perdre la tête. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes qui te font perdre la tête. La taille de sa jupe t'invite pourtant à la danse. Toutes tes. Ni tes envies, ni tes ardeurs, n'imposeront la terreur. Ni tes envies, ni tes ardeurs, n'imposeront la terreur. Ni tes envies, ni tes ardeurs, n'imposeront la terreur. Une nouvelle vidéo pour un nouveau morceau de Manon Tanguy. Là, c'était donc la taille de sa jupe. Eh bien, je ne sais pas si la taille de sa jupe me fait fondre, mais il fait de plus en plus chaud. Tout à l'heure, le thermomètre indiquait 32,4. On en est à 32,8 et il y a un deuxième thermomètre qui dit 33,2. Donc, je crois qu'une bonne bière bien fraîche... aujourd'hui, ce serait le rêve. Allez, il est l'heure de repartir sur notre album Powerplay, l'album de l'artiste canadienne Mélanie Decker. Je vous disais tout à l'heure eh bien, qu'elle faisait pas mal de tournées en Amérique du Nord et en Europe. Eh bien, elle donne à peu près une bonne centaine de concerts par an. Ça fait une dizaine d'années qu'elle fait de la musique country pop. Elle a sorti notamment 6 albums et elle a collaboré et fait la première partie de nombreux artistes et de grands noms dans la musique moderne comme par exemple Faith Hill, Diana Krall, Bryan Adams, Chaka Khan. Elle a aussi chanté pour le président Clinton, bah oui, elle a donné un concert pour lui. Elle a aussi chanté pour des clients institutionnels. Bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de s'attarder là-dessus. Et puis Bon, je vais quand même vous citer le Lionsgate Hospital Foundation, le Air Canada PGA Tour, donc c'est la tournée mondiale des golfeurs professionnels. Donc vous voyez que c'est quand même et quelqu'un. Elle aime aussi assez bien et bien faire des petites vidéos sur YouTube où on la voit dans différentes situations. Alors apparemment, ça saute du coq à l'âne. Hein. On la voit plonger pour le Vancouver Polar Bear Swim, donc j'imagine que c'est de la nage dans l'océan qui est glacé. J'imagine que c'est ça, j'ai pas été voir. On la voit aussi pour ses concerts lors des Jeux Olympiques en 2010, ses concerts aussi en Afghanistan. Et quand je vous disais que ça allait du coq à l'âne, on voit même eh bien, sa séance d'enlèvement de ses dents de sagesse. Donc ça va vraiment dans tous les sens. Que vous dire de plus? Le secret de sa réussite, eh bien, c'est qu'elle garde les choses simples. Voilà. On va écouter un second extrait qui s'appelle Front Row. C'est une belle chanson qui raconte une histoire populaire et qui essaye de répondre à la question, eh bien, combien de fois est-ce qu'on a rêvé de partir et de vivre les aventures qu'on voudrait vivre. Voilà, c'est Mélanie Decker, son album s'appelle Secret Spot. Je vous ai mis un lien sur notre groupe Facebook qui vous permet d'aller découvrir l'ensemble des chansons de cet album. Donc ça renvoie directement sur son site internet qui est très facile et qui est très logique. 3xW Mélanie Decker. Alors j'ai un doute, je ne sais plus si c'est .com ou .net, mais je pense que c'est .com. Oui, c'est .com. Mélanie Decker en un mot, .com avec deux K. Voilà, c'est tout dit. On l'écoute avec ce second extrait. Front Row. Power Play. Power Play. Got a little higher, drop some colored pins on the map. Live by the words of my mother, love it all. When it comes to looking back, let's buy tickets on an airplane, baby. Get loosey goosey all around. Travel in style, play a little crazy. Turn ever into now. Waiting on someday, some say. Someday never comes. Well, she showed up while I was sleeping, waking me to the beat of my own drum. Let's buy tickets to the front row, baby. Love it when it gets real loud. Sing along even if we get the words wrong. Turn ever into now. About the money, honey. Don't let it get you down. Let's buy tickets for the lottery, baby. No harm dreaming out loud, lucky yeah. Lucky numbers find us eventually. Turn a never into now. Let's buy tickets to the front row, baby. Love it when it gets real loud. Sing along even if we get the words wrong. Turn never into now. Oh yeah. Turn never into now. Okay. One, two, three, four. Let's do it again. One. Ce morceau s'appelle Koufax, c'est extrait de cet album Résonance 2116 du groupe chypriote Black Anis, encore eh bien, une nouvelle connexion avec l'île d'Aphrodite et l'île donc de Chypre. On poursuit en musique avec Skittish. Je vous rappelle que vous écoutez Planet Indie, nous sommes ensemble en direct chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL FM. Cette émission sera rediffusée demain aux mêmes heures et sur les mêmes canaux, ceux de RGL. Et puis nous serons rediffusés de nouveau vendredi prochain, le 10 août, sur ARL FM du côté d'Arlon. On poursuit donc, je vous le disais, avec une nouveauté. C'est la première fois qu'on l'écoute. Le groupe s'appelle Skittish et il ne veut pas qu'on les exclue. Don't Count Me Out. Puis après, ce sera des habitués, les Syndromes avec Falling in Action. Elijah Tucker, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. My name is Josh from Stone Diamond. You're listening to Planet Indie. Mm-hmm. side to see you in motion. Never a fight, falling in action. Never a sound, finding it easy when we're all running around. Il sent très bien l'ami Joseph Ferrante, Feeling Alright. Bah, j'espère que vous aussi, que vous nous écoutez peut-être les pieds dans l'eau, carrément dans la piscine, ou alors en train de déguster une bonne glace ou une bonne bière, ou enfin, faites ce que vous voulez, mais rafraîchissez-vous tant que vous en avez l'occasion. Parce que moi, pour l'instant, c'est pas trop ça, mais d'ici quelques minutes, eh bien, je vais me rattraper. Retour sur notre album Powerlay, l'album de l'artiste canadienne Melanie Decker, une artiste qui a des origines néerlandaises, comme je le disais en début d'émission. Et puis son secret, c'est de garder les choses simples. Elle sait comment écrire une chanson. Et elle n'en fait pas trop. Elle se base essentiellement sur sa guitare acoustique, et elle ajoute très rarement et de manière très modérée des accompagnements. C'est essentiellement des légères percussions, un peu de basse, un peu de clavier, et elle investit plutôt son talent dans les chœurs entraînants et aussi dans des paroles qui donnent à son public l'envie de chanter avec elle. Que vous dire de plus ? Qu'elle a reçu la médaille d'honneur du chef des armées canadiennes pour sa chanson « Fall in Wounded Soldier ». C'est une belle récompense. Et puis, elle était nominée elle était citée comme ambassadeur du Kinder Hospice en Allemagne. C'est un hôpital pour enfants. Car elle avait donné la recette de ses concerts, ou de concerts qu'elle a donné là-bas, qui étaient sold out. Donc elle a tout donné pour cet hôpital. On arrive tout doucement au bout. Quelques petites anecdotes, pour si vous voulez la connaître mieux. Alors, son signe zodiacal, elle est Gémeaux. Ses films favoris, alors j'en ai repéré quelques-uns parce qu'il y en a toute une liste. Il y a Moulin Rouge, Million Dollar Baby, Slum Dog Millionnaire, Forrest Gump, La Vie est Belle, entre autres, parce qu'il y en a pas mal. Alors dans son temps libre, elle le passe essentiellement dehors, et les sports qu'elle aime bien, c'est le tennis, le patin en ligne, la course à pied, la randonnée, que ce soit à ski ou à pied dans la neige. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est de recevoir une contravention sur sa voiture. Ça, j'imagine qu'elle n'est pas la seule. Et ce qu'elle adore, c'est quand il y a du grand vent. Et puis, si vous voulez l'emmener, si vous avez la chance de l'emmener un jour au restaurant, pourquoi pas, on peut rêver. Sa nourriture favorite, c'est les sushis, le vin rouge et le chocolat noir. Voilà, on va écouter le troisième et dernier extrait. C'est la plage numéro 8 de son album. L'album qui porte le nom de cette chanson, c'est Secret Spot. C'est une chanson qui décrit le chemin qui emmène l'auditeur à travers les arbres en lisière de forêt vers une plage. C'est un chemin qui ressemble très très fortement à ce qu'elle peut voir tous les jours dans sa ville de Deep Cove, donc au Canada. C'est le morceau Secret Spot, elle s'appelle Melanie Decker et elle est Powerplay aujourd'hui dans cette émission numéro 399. Et oui, on se rapproche de la 400e de Planet Indie. La 400e, ce sera pour le mois de septembre, le samedi 1er septembre. Je ne sais pas si on va faire quelque chose de très très spécial, parce qu'on avait déjà fait les 20 ans de Planet Indie un peu plus tôt cette année-ci. Mais on aura des cadeaux. On aura des cadeaux pour vous, notamment des albums, des codes pour télécharger gratuitement. Notamment le nouvel album du duo de Pink Dust qu'on a écouté tout à l'heure, leur nouvel album Ming. Donc restez avec nous au mois de septembre et vous pourrez gagner ces cadeaux, bien entendu. Allez, on écoute Melanie Decker. Secret Spot, c'est notre power play ce soir dans Planet Indie. Power play. Power play. Ça, c'est plutôt si vous avez l'intention de sortir danser ce soir, c'est la musique, en tout cas le style de musique, que vous avez plus de chances de rencontrer. C'est Eva, elle fait partie des Friends of Barry. On l'écoute avec Get Up On Your Feet. Et puis après, ce sera un peu dans le même style, Tom Gold avec Dead Eye. Voilà, et pour être tout à fait complet, si vous ne pensez pas aller danser, ou avant d'aller danser ce soir, si vous le voulez, n'oubliez pas qu'à Luxembourg, il y a le Street Art Festival. Ça, c'était déjà hier. Et puis, ça continue aujourd'hui. Il y a aussi les projections de cinéma en public devant le palais à Luxembourg. Donc aujourd'hui, c'est le film Isle of Dog, un film d'animation. À la Rocale, eh bien, c'est relâche, hein, c'est l'été. Et puis l'Euroclub vous invite à deux projections. Demain, le 5 août, la projection de When God Sleeps. Ça se passe dans le cadre de leur festival congé annulé. Et puis samedi 11, Matangi Mayamiya, c'est aussi dans le cadre du congé annulé. Donc vous allez sur le site du Rock Club et vous trouverez les informations. Je vous parle encore en vitesse du Gom Jazz Festival qui se tiendra à Rossignol du côté de Tintigny. C'est en Belgique, le 10, 11 et 12 août. Un festival eh bien, qui n'est pratiquement plus à présenter. Donc c'est le week-end prochain, la 34e édition. www.gom-jazz.com pour les informations. We'll be right back. on top of the table when it comes to the flow. Okay. Operate smoothly and they just let go. Let go. Guys think they can match me, but that ain't true. Yo, they try to measure up and I'm too beat the team. The girls all wanna take me back to the room. Up to three at a time, but I was thinking of you. You. Different Susie, you got nobody to blame but yourself, girl, and you know I got to explain. Okay, now, okay, yo, now, I want you down on your knees. Is that fine? That's fine. She says she don't mind. She don't mind. No, if I explode in her face, she'll go blind. She'll go blind. Well, I guess that's why. Why what, man? They call her Susie with the dead eye. Down on your knees. Is that fine? That's fine. Says she don't mind. She don't mind. No. If I explode in her face, she'll go blind. She'll go blind. Well, I guess that's why. Why what? Yo, I want you down on your knees. Is that fine? That's fine. Says she don't mind. She don't mind. No. If I explode in her face, she'll go blind. She'll go blind. Well, I guess that's why. Why what, man? They call her Susie with the dead eye. Et bien voilà, on arrive tout doucement au terme de ce 399e épisode de Planète Indie. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie, enfin cette fin d'après-midi, cette chaude fin d'après-midi. J'espère que le programme musical vous a plu. Vous pourrez le retrouver en rediffusion demain 17h-18h30, demain le 5 août sur RGL. Vous pourrez le retrouver aussi vendredi prochain le 10 août sur ARL FM, ce sera entre 20h et 21h30. Et puis le podcast sera disponible sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook aussi, vous tapez Planète Indie. Je vous ai mis un extrait, enfin un lien pour aller écouter notre powerplay du jour. C'était l'album Secret Spot de Melanie Decker. On va se quitter avec le morceau de Marson Ramos, le Halloween Team. C'est pas vraiment d'actualité, mais bon, pourquoi pas. Et je vous retrouve donc le 1er septembre pour l'épisode numéro 400 de Planète Indie. D'ici là, passez un bon samedi soir, un bon week-end, de bonnes vacances si vous partez en vacances et un courageux retour au boulot si vous revenez au boulot. Moi, les vacances, c'est pour dans une semaine, j'attends ça avec impatience. Et on se retrouve donc le 1er septembre pour l'émission en direct et plus tard pour les rediffusions. Voilà, à bientôt. To send you to the frightful room, the laughter nurser is flying over here. The cats are running, it's the Halloween. But if you touch my heart with candies, maybe I change my point of view and go back to the land of leeches or hide you far away from you. But if you touch my heart with candies, maybe I change my point of view and go back to the land of leeches or hide you far away from you. Thank you.